Yo, Jimmy G Production. Une journée triste, un cœur rempli de maladies. L'amour est mort, il en laisse une cicatrice. On est le mal, pas le mal, un résultat se mettre une balle. L'homme est un phare quand il s'agit de jolies dames. Je regarde le ciel et je me dis que ce n'est que de passage. La pluie coule sur mon visage, pendant que le tonnerre gronde à travers tout le paysage. Mais à quoi bon rêver, à quoi bon espérer? Je ne crois plus en personne depuis qu'elle m'a quitté. Le téléphone sonne, mais trop brisé pour décrocher. L'envie est un miroir brisé, on peut pas le réparer. Mais à quoi bon être fort quand tes amis t'ont oublié, de ton poignardé, et tu n'arrives pas à te relever. Il fait noir, j'écris à l'encre noire, pensant m'évader, je continue de taper sur mon clavier. La vie est triste, ma vie m'attriste, ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que d'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais. La vie est triste, ma vie m'attriste, ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que d'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais. Je me rappelle de mon enfance comme si c'était hier. J'ai jamais été un enfant modèle, ça je respecte. Malgré ça, ils ont su m'aimer, su m'élever. Mais à quoi bon être fort quand tout ça s'est dissipé? L'amour est mort, il n'avait pas tort. Tout part en vrille, plus personne n'a des remords. Je m'en souviens, enfant c'était la belle vie. Jusqu'à ce qu'on perd un pied depuis trois personnes de notre famille. J'aimerais revivre dans le passé, les revoir et ne plus les abandonner. Et comme on dit, ce qui est fait est fait. Alors je vais continuer mon chemin en essayant de plus y penser. Je me rappelle quand je l'ai rencontrée. Au début ce n'était qu'une fille parmi tant d'autres. Mais peu de temps après, je ne voulais qu'elle ait personne d'autre. J'ai appris à l'aimer, appris à pardonner. La vie est triste, ma vie m'attriste. Ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que l'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais. La vie est triste, ma vie m'attriste. Ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que l'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais. Troisième couplet de tristesse, toujours la même personne. Cet enfant triste qui est loin d'être un prodige. Y'a tellement de choses qui le blessent, qui préfère en rester seul. Il préfère ne pas bouger qu'avancer pour tomber dans le vide. Pleure jour et nuit, rêvant de retrouver sa famille. Mais petit, ce n'est pas en restant ici qu'il faut revenir. Comme on t'a appris, bouger, fais quelque chose de ta vie. Monte à tous ces gens, tu n'as pas faibli. Être fort à la base pour survivre dans cette vie. Ce n'est pas comme dans nos rêves où tout se finit bien. Car dans ce monde, il faut pas hésiter à donner des coups de surin. Alors frère, prends soin de toi et surtout, ne faire confiance à personne. Ne te prends pas pour un héros, car derrière un héros se cache un zéro. La vie est triste, ma vie m'attriste. Ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que d'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais. La vie est triste, ma vie m'attriste. Ma quoi pour écrire, car ça laisse des cicatrices. Je pensais m'évader, mais ça ne fait que d'empirer. Ma vie est loin d'être ce que j'imaginais.